Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, Philibert. Salut à toi, le cataphile. Salut à l'aceto qui brille. Salut à toi, pilier à bras. Salut aux odeurs de ganja. Salut à toi, pilier tourné. Salut aux pauvres murs tagués. Salut à toi, mon souris. Salut à toi, le fumier. Salut à toi, la piscine. Salut à toi qui hallucine. Salut à vous, dinosaures. Salut à toi, le minotaure. Salut à ta coquine Ariane. Salut à tous les catamans. Salut les morts du carrefour. Salut à vous les détours. Salut à toi puissants échelons. Salut à toi qui es cupon. Salut aux sublimes châtières. Salut à tous les bancs de pierre. Salut à toi qui es perdu. Et puis à toi qui a trop bu. Salut à toi commandeur. Salut à toi le bunker. Salut à vous les hamacs. Salut à la terre sur mon sac. Salut à toi BDM. Salut à toi qui te traîne. Salut au circuit officiel. Salut au vous septième au ciel. Salut à toi Z de la grande. Salut à toi la rue la longue. Salut à toi la soucoupe. Salut aux losers de déroute. Salut à toi IGC. Salut à toi le macabé. Salut à toi l'injection. Salut à la visitation. Salut à la châtière de sable. Salut les galeries pleines de câbles. Salut au fontis menaçant. Salut à toi Port Mahou. Salut à toi le Barbera. Salut à toi le sauna. Salut à vous les Fifi. Salut aussi à Rosalie. Salut à toi l'autochtone. Salut à toi l'autogone. Salut à toi homme des cavernes. Salut à toi la taverne. Salut au rachitique rat. Salut à tous les passages bas. Salut les têtes fracassées. Salut aussi à KCP. Salut à toi Happy Jack, salut à toi Tetrapack, salut Shadow et salut Pi, salut à Chute et à Droopy, salut le Scoot, salut Redlo, salut Jixby, salut Zigo, salut à vous Sink et le Jack, salut et bonne nuit à Kodak, salut à toi Pépé Cool, salut à toi la grenouille, salut à toi l'infirmier, salut à toi Feu TNT, salut Crapu, salut le chat, salut Mouche Crevé Nitra, salut à toi Caton l'ancien, salut à toi Nain de jardin. Salut XL, salut Gérard, salut Sergent, salut Kemar, salut Misty, salut Darkman, salut à toi le Véloman, salut à Mike et à Agathe, salut à toi Jean-Claude Sarat, enfin salut à toi le fou qui brûle tes nuits au fond du trou.